une ruine babine. Passe une fois terminé, je vais avoir les babines abîmées. Tellement j'ai de choses à dénoncer, y'en a des milliers camouflés qu'on essaie de me cacher, scellés avec du silicone, même qu'on utilise quand les seins des madames tombent pour les remettre ben drette. Faut que tu sois parfaite parce qu'on s'étiquette d'après son honneur. Tu peux rien y faire, c'est un petit noir, tu voles des grand-mères. T'as les yeux bridés, tu pratiques le karaté. Un blanc, c'est sûr qu'il est dans le Klux Klan. C'est pour ça qu'il y a autant d'adolescents stressants, stressés d'être tout tonnant, passant leur temps à essayer de trouver un style qui doit être complètement débile. Ça veut être marginal pendant un bout, après ça se calme. Mais faut pas en faire un drame, c'est rendu une comédie. Pis pendant que ça chie ici, on investit dans le domaine de la technologie pour aller s'installer sur la lune. À part sans faire fortune, convaincant qu'il n'y a pas de lacune. J'fais une prise de conscience, pis quand j'pense à pas de bon sens, avec aisance, on dépense nos finances dans les substances. On s'invente des excuses pour pouvoir s'éclater. Ça va mal, c'est dans ces fois qu'on va boire à ta santé. C'est la mode, c'est dans ces fois qu'on va tout aller rêver. Au réveil magané, la semaine on reste stressé. Jusqu'à temps qu'on soit cassé, on va se convaincre qu'on est ok. C'est après ça commence la routine. Se met chez la discipline, t'obtiens ta doctrine, tu te places dans une usine. Pis t'achètes de l'auto, espérant gagner le gros lot. Oui, mais je sais que je gagnerai pas. En tes cas, yeah. En tes cas, yeah. En tes cas. On pense que ça l'avance, les choses penchent dans le bon sens. On pense qu'on pense qu'avec le temps ça s'arrange. Si tu vois une différence, y'en a une qui s'en vient la fin. C'est de l'être humain, c'est de l'être humain. On pense que ça l'avance, les choses penchent dans le bon sens. On pense qu'on pense qu'avec le temps ça s'arrange. Si tu vois une différence, y'en a une qui s'en vient la fin. C'est de l'être humain, c'est de l'être humain. Un beau monde de cons en pleine dégradation, à cause de la pollution, notre planète est toute défaite. Ce qu'on y fait, ça a le même effet que si tu frappes sur une tomate à coups de batte de baseball. Infini, est meurtri en asti. Je sais pas si elle peut ressentir la douleur, mais je sais qu'elle pleure des plus acides. Elle se vide de sa vie, pis y'en a pas un esti sans souci, sauf monsieur sans souci. Monsieur sans souci. Le monde se change ben trop souvent. Pis y'a quoi, je sais même plus si moi c'est moi, je sais même plus si toi c'est toi. C'est la faute du clonage qui va réussir avec l'argent. T'as douté de mon entourage. Au début, c'est les animaux, après les humains rentrent dans l'eau. So, ça prend pas une bolle pour comprendre ça. Qui dit bol dit étalage, qui dit école dit décrochage. On fait juste parler de ça, fait que si tu le fais pas, t'es pas in. Y'a tellement de stéréotypes que tout le monde se retrouve au gym. En espérant un jour sembler au monde des magazines ben slim. Pour pouvoir vider sur le bord d'une piscine. Pis ça m'ira du gênant quand j'entends que les manquettes c'est des enfants de 14 ans. Y'en a qui pensent que leur problème blame, c'est de rester eux-mêmes. Y'en a qui se rendent compte au baptême, qui sont tombés trop tôt enceintes. Sainte Marie, priez pour nous, parce que c'est pas nous qui va faire ça pour vous. On vit dans un milieu complètement égocentrique, où le gagnant du jeu va réussir les plus beaux tricks. Avec ma rhétorique, j'tironique pour faire comprendre à qui veut bien l'entendre, qu'à qui n'est pas exagère un processus qui commence, qui commence, qui commence. On pense que ça l'avance, les choses penchent dans le bon sens. On pense qu'on pense qu'avec le temps ça s'arrange. Si tu vois une différence, y'en a une qui s'en vient la fin. C'est de l'être humain, c'est de l'être humain. On pense que ça l'avance, les choses penchent dans le bon sens. On pense qu'on pense qu'avec le temps ça s'arrange. Si tu vois une différence, y'en a une qui s'en vient la fin. C'est de l'être humain, c'est de l'être humain. On améliore notre qualité de vie, puis on la détériore aussi. On guérit une maladie, y'en a une autre qui surgit. Pour une bonne chose, une mauvaise. Mais pour une mauvaise, y'en a pas toujours une bonne. On en sort perdant. Y'a pas longtemps, on a perdu notre gros bon sens. Fait que le raisonnable, y est tombé dans le marde. La politesse, ça s'est mis sur le BS. Puis la justice, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On pense que ça l'avance, les choses penchent dans le bon sens. On pense qu'on pense qu'avec le temps, ça s'arrange. Si tu vois une différence, y'en a une qui s'en vient la fin. C'est de l'être humain, c'est de l'être humain. On pense que ça l'avance, les choses penchent dans le bon sens. On pense qu'on pense.